1 Corinthiens chapitre 11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Or, mes frères, je voulus de ce que vous vous souvenez de tout ce qui me concerne, et de ce que vous gardez mes ordonnances, comme je vous les ai données. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef de Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie, ou qui prophétise, ayant quelque chose sur la tête, déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie, ou qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore sa tête, car c'est la même chose que si elle était rasée. Si donc la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe les cheveux. Or s'il est déshonnête à la femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Parce que l'homme n'a point été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque qu'elle est sous la puissance de son mari. Toutefois ni l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme, en notre Seigneur. Car comme la femme est par l'homme, aussi l'homme est par la femme, mais toute chose procède de Dieu. Jugez-en entre vous-mêmes, est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? La nature même ne vous enseigne-t-elle pas, que si l'homme nourrit sa chevelure, celui est du déshonneur? Mais que si la femme nourrit sa chevelure, celui est de la gloire, parce que la chevelure lui est donnée pour couverture? Que si quelqu'un aime à contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni aussi les églises de Dieu. Or, en ce que je vais vous dire, je ne vous loue point, c'est que vos assemblées ne sont pas mieux réglées qu'elles l'étaient, elles le sont moins. Car premièrement, quand vous vous assemblez dans l'église, j'apprends qu'il y a des divisions parmi vous, et j'en crois une partie. Car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont dignes d'approbation, soient manifestés parmi vous. Quand donc vous vous assemblez ainsi tous ensemble, ce n'est pas manger la scène du Seigneur. Car lorsqu'il s'agit de prendre le repas, chacun prend par avance son souper particulier, en sorte que l'un a faim, et l'autre fait bonne chère. N'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue point en ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai donné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut trahi, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi après le souper, il prit la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain, et que vous boirez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, quiconque mangera de ce pain, ou boira de la coupe du Seigneur indignement, sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et ainsi qu'il mange de ce pain, et qu'il boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. Et c'est pour cela que plusieurs, sont faibles et malades parmi vous, et que plusieurs dorment. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes enseignés par le Seigneur, afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange en sa maison, afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation. Touchant les autres points, j'en ordonnerai quand je serai arrivé.